20 mai 2011. Hey, Johnny, ça c'est l'octave, ça. L'octave Crémazie, non. L'octave Crémazie, non, c'est au-dessus de ma voix. Ben voyons donc, oui. T'as toujours été en dessous. Ah, ça c'est vrai. T'avais raison pendant toute ma vie. Ben oui, ça continue. Ouais, mais là, si tu pourrais la monter de deux tons, laquelle? Ben la note, deux tons. Oh mon Dieu, non, pas celle-là. T'as entendu le blouh? Ça, là, ça me fait penser. Ça me fait réfléchir, pas penser, réfléchir. On pense plus, nous autres, là. Il y a plus grands individus qui pensent en 2011, là. Si oui, dis-moi qui c'est. Qui c'est la bête qui pense, l'être qui se dit plus élevé que la moyenne et qui pense. On réfléchit en 2011. Ça, je l'ai déjà dit, je le redis. Là, je fais de la bêtise humaine, c'est-à-dire que je répète. Mais je suis comme un professeur, hein, à l'université aussi, je suis un professeur timide à moi-même, là, pas envers les autres. Je n'ai rien à professer, moi. Là. Absolument rien. Moi, je suis pas un curé, je suis pas un archevêché. J'ai rien à chercher à travers tous ces engrenages intellectuels, au contraire. Mais par contre, mon Johnny, en dehors de l'octave, Crémazie, oh oui, mais tu as remarqué, là, les gens savent pas pourquoi tu dis ça, là, mais on voit pas à quelle seconde t'es rendu. Ben oui, mais j'ai choisi que... Là, tu m'as dit, prends pas chronomètre, prends minuterie. Puis là, quand tu me fais choisir autre chose, regarde, la semaine dernière, attends un peu, on va prendre le chronomètre, là. La semaine dernière, ça, c'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que je ne dépasserai pas mon émission. Parce que avant ça, on me disait, mon Réré, tu es un être qui déborde. Oh, mon Dieu, hey, on m'a reconnu. Oui, on te reconnaît souvent. Alors oui, je déborde de mes pantalons, de ma chemise, de mon menton, de ma bouche et aussi de mon temps radiophonique. Je déborde toujours, mon Rénal. Es-tu toujours en amour avec ces KRL, que tu as collé à ton cœur. Hey, c'est beau, ça! Ça, c'est du tatouinage! Non, c'est du tété, c'est du têteux. Oh, mon! Pour être têteux, t'en es un champion. Oui, c'est vrai. Oui. Mais je me souviens plus, là. Coulisse, c'est coulisse. Coulisse-moi la paix! Non, coulisse, donne-moi... Mais non, voyons donc, jamais on voudrait que la coulisse nous coulisse une paix profonde, là. On veut qu'elle nous ressuscite. Comment? Ressuscite. Oh, du verbe ressusciter. C'est du, moi, je mettrais ça facilement, là, très, très, très facilement, ma belle Georgette, dans le premier groupe. Premier groupe, deuxième doigt, lourd, janvier, février, mars, pouce, index, le majeur. L'index, le majeur, là, c'est premièrement, faut être majeur pour montrer le majeur. Ben voyons donc, il y a des gens, plus t'es mineur, plus tu montres le majeur. Oh, ça, c'est vrai. Avez-vous remarqué ça? Ça vient de m'arriver là au visage. Plus tu es mineur, j'allais dire plus tu es minable. Mon Dieu, plus t'es minable, plus t'es mineur. Non, pas toujours. Quoique. Non, mais plus. Non, c'est une longue progression, là, hein? La majorité, c'est même, il y a des gens qui ont 45, 50, 60 ans qui sont pas plus majeurs qu'un mineur à peine sorti de la mine à crayon. Ah, mon Dieu. Et moi, là, dans la mine à crayon, si on met pas une visibilité pas réduite, mais tout à fait ouverte, là, tu sais, dans un casque avec la lumière, on appelle ça une lampe. Oui, c'est ça. Oui, mais comme mon système ici, c'est ta lampe. Eh, voyons! T'as le mixeur à lampe. Moi, j'ai le mixeur à lampe. Oh, mon Dieu! T'as l'enregistreuse. Ah, moi, j'enregistre. Avec quoi? Ben, avec des bandes. Oh, mon Dieu! Ça bande ici. Oui, ça bande de partout parce que je ne peux pas m'empêcher de faire. Quand même, je crois que ça va déstructurer, là. Hein? Oui, il me semble que le son est trop fort. Oui, alors on va baisser ma voix si ça vous dérange pas en direct. Oh! Est-ce que c'est plus confortable? À peine. Mais au moins, on sort pas dans la... Comment t'appelles ça? Dans la distraction? Non, la distorsion. Oh, mon Dieu! La distorsion, ça mène ailleurs. Oui. Oui, hein, dans une oreille qui griche. Oh mon Dieu, l'oreille griche, non. Ma bouche griche. Ma belle bouche griche, comment ça va? Mais moi, ça allait bien. Avant que tu griches. Ben voyons donc, c'est pas toi qui griche ma bouche. Ben oui. Mais là, je me demande... Allez-vous le trouver? Ben, on va le trouver. On sait pas que... On cherche qui? Pour le trouver, il faut le chercher. Faudrait que tu nommes des noms. Faudrait que tu m'amènes des idées. Faudrait que tu m'envoies... Envoie-moi une photo dans ma chevelure. Pas ta chevelure. Ben, à l'intérieur de ma chevelure, c'est... Et Marianne, en arrière de sa chevelure, y a rien. Comment? Y a rien. Y a absolument rien, monsieur, derrière votre chevelure. Ben, c'est ça. Ça fait des très bonnes émissions. Ouais, mais des fois, ça sera. Allez-vous le trouver? Pour trouver, il faut chercher, je l'ai dit. On cherche qui? On cherche quoi? Par où? À quelle heure? Puis comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le cherche, là? Est-ce qu'il s'est déclaré, premièrement? Il s'est déclaré coupable. Oh mon Dieu, ça, là, on n'aime pas ça déjà là en partant là. Quand on se déclare. Comment? Quand on se déclare coupable, oui. On est à l'étable. Oh mon Dieu, il y a un bœuf, il y a pas de cheval dans l'étable. Là. Oh là! Comment se compose l'étable? Je sais pas, il y a Yolande. Oui, Yolande. Bonjour Yolande, comment ça va? Hey, moi, ça va tellement bien. Je passe à votre émission pour la première fois et on dirait que j'y suis depuis toujours. Allez-vous le trouver? Mais on ne sait pas, là. Mais là, Yolande, merci Marie-Lande, merci beaucoup. Yolande, il y a le bœuf. Le bœuf, ça, c'est au cas. Hein. Au cas, si ça dure trop longtemps, on va déjà le couper puis on le mangera. Mais... Quoi qu'il y en a qui mangent de l'humain, puis j'en ai encore aujourd'hui en 2011, hein, il y en a qui en mangent. Ah, ça mange, là. Ah, ma belle Martha, comment ça va, toi? Ah, ça va très bien. Ça mange-tu? Ah, ça mange par là. OK. Alors là, il y a le bœuf, il y a l'âne, il y a l'idiot. Ah, mais l'idiot, c'est... C'est quand tu vas arriver. Qui ça? Mais c'est quand tu vas arriver. Qui ça? Mais celui qui va arriver. Ben, il n'y a personne qui arrive. Oui, mais c'est quand? C'est quand quoi? C'est quand quoi? Non, mais c'est qui? C'est qui quoi? C'est quand? Ferme le rideau! Ferme la fenêtre! C'est quand tu vas arriver? Ben, il arrivera pas! Il peut pas arriver! Il faudrait des gens qui soient vivants pour arriver! Puis qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est l'errance rénaldienne du 20 mai 2011. Tu l'as dit, j'aime ça le redire. Pourquoi? Parce que je fais dans la redite. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Oops. si vous étiez un autre individu? Je ne serai jamais un autre individu. On en a parlé déjà tout à l'heure. Et je n'ai aucune intention de jamais d'avoir voulu être autre chose que ce que je suis, ni physiquement. Je m'adapte à ce que je suis. Et alors après, on peut parler d'individus historiques, peut-être. Mais non, je vais répondre autrement à votre question. Si j'étais un autre individu, je serais un aigle. Parce qu'il regarde tout de très haut, Il est comme ça, et il se jette sur sa proie. Oh, d'accord. Êtes-vous... oui, c'est assez sauvage, mais c'est quand même, ça veut tout dire. Êtes-vous un homme heureux fondamentalement? Pendant là? Êtes-vous un être heureux fondamentalement? Oui. Je suis un être, un homme optimiste, bien que je n'ai pas toujours rose, ni dans ma vie, ni autour de moi, mais j'essaie d'être optimiste. Je ne sors jamais quand je suis de mauvaise humeur ou quand je vais mal, je reste chez moi. Et j'essaie d'être toujours le plus convivial et le plus aimable possible avec les gens qui sont autour. J'ai un caractère de merde. Hein. Okay. Des fois, je peux. Faut pas m'emmerder non plus. Hein. Okay. Mais à ce moment-là, c'est une autre histoire. C'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Et en fait, oui, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfant. Enfin bon, dans ma famille que j'ai choisie, la famille, les gens qui sont autour de moi, j'essaie de quand même être toujours le plus, encore une fois, le plus harmonieux, même si parfois on a des traits de caractère, vous savez. Je crois que les gens n'aiment pas le son, même le son de leur propre voix, ils ne l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus... Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit « soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires ». Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois, c'est ça. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rôle. Est-ce qu'ils partent avec moi? On est ailleurs, on oublie tout. On nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. Et les amis. Et rigoler. Quand on peut, il faut rigoler. Faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pendant le générique d'Errance canadienne, l'excellent générique, je zutais ma bibliothèque et je me suis rendu compte. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que je zutais ma bibliothèque. Oh! Alors là, alors je me suis rendu compte que j'avais un livre que j'avais lu il y a, lorsque j'étais... À quelle année? Est-ce que, normalement, j'indique l'année... Non, oh, c'est celui-là, non. Je devais être très fatigué quand, lorsque tu l'as choisi. Non, lorsque je l'ai lu. Non. C'est Frédéric Mitterrand, hein, le ministre de la culture en France. Et monsieur, est-ce que c'est le ministre? Ben oui, de la culture. Mais ancien animateur, ancien tout, quoi. Ben, on l'amène comment sur ce livre-là? Attends un petit peu, là. Le livre s'appelle « Destin d'étoiles ». Et on parle de Grace Kelly, de tous ces gens-là. Et est-ce qu'on fait la nomenclature de cet être qui est Mitterrand? Il y a quelque temps, la télévision, ces étoiles qui illuminent. Bon, ouais, mais ça, c'est de lui. Magie des étoiles évoquées. Bon, de Fokke, en Alaska. Quoi, comment pas? Quelque part en Alaska. Il y a quelque chose dans le maudit. Oui, je feuillette, hein, je feuillette. Mais là, c'est pas le moment de feuilleter. Mais hey, attends un petit peu, là. Quand tu manges ton feuillet, qu'est-ce que tu fais? Mais je mange pas de feuillet, mais OK. Ah, non, mais il n'y a pas de biographie de l'artiste, là, c'est pas un artiste, c'est un animateur, un homme de réflexion. Très ambivalent et surtout très controversaise. Oui, monsieur, il y a de la très controversaise. Mais là, ça me donne un mal de tête et je vais aller à la pharmacie me procurer de l'acide acétylsalicylique. Et monsieur, est-ce que vais-je m'en souvenir? Oui, je te le dis, Jean-Marc. Ajoute-toi de l'acide acétylsalicylique. Et monsieur, quand slick, m'en souviendrai plus. Ben non. Prends ça tout seul, OK? Je vais apprendre ça comme acétylsalicylique. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment ça va, madame? Ça va très bien, monsieur. Madame, oui, monsieur. J'aimerais ça avoir de l'acide acétylsalicylique. Et monsieur... Nous ne sommes pas des pocheurs. Non, on n'a pas dit des pocheurs. On a dit de l'acide dans le slick. Et c'est mieux connu sur l'AAS. Oh, l'USP. 325 grammes. 325 milligrammes. Pas grammes, hein, monsieur. Si c'est du gramme, on finira pas l'émission. Ça éclaircit ça, il paraît, de l'acétylsalicylique. Ah, ça éclaire plus. Premièrement, ça éclaircit pas l'esprit, hein. Le sang n'est pas dans l'esprit. Oh! Le sang n'est pas dans l'esprit. Alléluia, alléluia, en pyjama. Le sang n'est pas dans l'esprit de la capsule. C'est pas des capsules, là. C'est des, c'est pas non plus des autocollants. C'est des comprimés. Ouais, mais comprimés, c'est pas des capsules, ça. Ouais, mais pour moi, là, c'est volant, des capsules. Non, mais moi, je veux pas vous les voler, mon cher, ma chère madame. Je veux vous les acheter. Oh, bah, arrêtez de dire acheter. On dirait que ça fait de l'écho dans mon cervelet. Oh, mon Dieu. Le vôtre aussi est mou. Oui, il est pas mou. C'est comme mon disque, moi. Vous avez le disque dur? Ah, très dur, moi. Ah, il est tellement dur. Puis regardez-moi le cervelet. Ah, mon Dieu. Hey, ça me rappelle mon ancienne épouse. Oh, que de beaux souvenirs, que de beaux souvenirs. Alors, en avez-vous de l'acétylsalicylique? Écoutez, on va appeler l'ambulance, on va appeler la police. Puis, oh, non, oubliez ça, madame. Je m'en vais, madame, monsieur le président. Messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de Variété indépendante. Alors voilà la preuve qu'un numéro ne fonctionne pas. Alors je croyais que l'acide acétylsalicylique là allait monter dans une déconnade des plus écervelés. Et vous venez de constater avec moi que c'est de la chose à ne pas faire. C'est de la chose à ne pas faire. Monsieur le Président, monsieur, peux-tu mettre quelque chose? Oui, monsieur. Monsieur le Président, oui. Monsieur, oh, j'aime ça comme ça. Allô? Tu m'entends ce soir dans le noir, moi, le ricaneux, moins que merveilleux. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques. Et les gens se disaient, ils chantent pas, c'est pas normal. Qu'est-ce que la... Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. errance pénalière. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, hein? Florence Rénaldien. C'est bon, ça. Tu as trouvé la... Oui. Là, il y a une note de plus. Là. Ah, mon Dieu. Il n'y a rien de moins pour le plus. J'espère. Le jour où il y aura des moins pour les plus, ah, tous les étudiants réussiront. Ouais, c'est pas voulu. Non, c'est surtout pas voulu parce que... Allez-vous le trouver? On va le trouver. On va le trouver, le cancre. Qu'il y a des moins dans les plus et des plus dans les moins. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénald Gagné. Oui, monsieur. Coin, coin, coin, coin, coin. Coin, coin, coin, coin, coin, coin. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin. Oh, hey, là, on allait amener d'autres choses, là. On allait tricher sur la petite chanson qui allait nous suivre. Ah, ben, tu te fais suivre par des chansons, mais ben. Anciennement, dans ma deuxième vie, oui, il y a des péripatéticiennes. Ben, t'es pas capable de le dire le mot puis t'es capable de le dire péripatéticienne. Ben oui. Ben oui, c'est bien plus facile dans une bouche d'intellectuel. Eh, monsieur, ouais, plus il y a de L, plus il y a d'intellectuel. C'est beaucoup plus, novice de dire paripatéticienne que dire on dirait que ça veut pas sortir, hein, là, c'est parce que t'as changé de prothèse. Oh mon Dieu, que Dieu me prothèse. Amen, en plus d'autres, parce que c'est dur à s'habituer. La prothèse part en haut, part en bas. Si tu mets de la colle, faut pas aller du bon. Faut que ça déborde, et si ça déborde, t'as la bouche pas. C'est vrai, hein? T'as la bouche pâteuse après avoir mis de la colle. Mais là, les gens savent pas s'ils en ont jamais mis. Quoi, de prothèse? Non, de colle après leur prothèse. Combien de personnes qui nous écoutent actuellement qui arborent fièrement leur prothèse dentaire? Hey, ça s'est jamais fait. Non, non, on n'a jamais parlé de ça à une émission. Mais là, actuellement, là, on aborde le sujet. Hey, aborde puis déborde parce que ça va couler. Ben non, même si ça coule, là, donnez-moi vos commentaires. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial@hotmail.com. Faites comme d'habitude. Écrivez pas. Non, écrivez-moi. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous? Qui ça? Ben vous, ah, moi. Qu'est-ce que ça me fait quoi? Ben c'est ça, si on... Allez-vous le trouver? Oui, on va le trouver. Ben oui, oui, on lui pose la question, là. Si vous en mettez beaucoup trop, là, ben si je m'en mets beaucoup trop, ça... Je me sens beaucoup mieux. Oh, ouh, le trop, c'est mieux. Ah, plus c'est trop, plus c'est mieux. Oh! En Belgique, là, plus c'est trop, plus il faut l'enlever de partout sur la planète. Comme ça, de partout. Oui, de partout, partout. Je vais vous expliquer un peu. Vous connaissez pas... vous n'êtes pas dans l'actualité. Ben, quelle sorte d'actualité? On a parlé la semaine dernière de Ben Laden, mais ça n'a jamais été diffusé à CKRL parce que l'innocent qui nous servait de monteur audio avait mis deux parties B des deux dernières... Je vais vous expliquer. L'émission, c'est deux tranches. Comme du pain? Oui, du pain. Il y a la première tranche, celle que vous écoutez, et la deuxième tranche, c'est la deuxième heure. Mais l'individu que j'ai embauché et que j'ai rapidement... avait placé deux parties B sur l'émission de 2 heures. Alors là, tu veux dire que les gens ont entendu deux fois ton émission de la même structure de 60 minutes? Oui. Et je m'en excuse infiniment, public, je m'en excuse infiniment. On t'excuse pas, mais fais attention, OK, oui, monsieur. Alors aujourd'hui, le samedi, et puis donc, j'avais parlé de Ben Laden à l'émission avant, mais vous l'avez pas entendu. 13 mai 2011. Es-tu mort, grosse bedaine? Grosse bedaine? Normalement, lorsque les gens font des crimes, grosse bedaine, on est jugé. On passe en cour. Mais toi, t'as passé ton tour, grosse bedaine. On t'a tiré dessus. T'es mort. T'es dans l'eau ou avec les extraterrestres dans un ovni. Tu nous regardes d'en haut, grosse bédaine. C'est pour ça que le temps est gris depuis autant de temps, grosse bédaine. Tout est compté, tout est prévu. Maintenant, je te louangerai, grosse bédaine. Hé, hey, es-tu malade? Tu louanges quelqu'un qui... Je louange un individu que l'on n'a pas jugé. C'est un bel exemple de donner à nos reines. Non, qui? Nos reines? Nos reines? Nos reines. André Lehen, les petits, aux petits. Oh, les petits. Bonjour, les petits. Ils font des dodos. Ben voyons, attends, lâche-moi l'écho. Ils font des dodos. Ah. Alors, on peut s'adresser à leurs parents. Oh, mon Dieu Seigneur. Les parents sont-ils présents? Ben, moi, je dirais que Madame Tremblay a s'est dit hier au soir, avant de faire chauffer sa sauce à spaghetti. Vas-tu lâcher ta sauce à spaghetti à un moment donné? Non, non! Je regardais les informations à télé, dans l'écran pas trop catholique, là, parce qu'on m'avait dit que... Hey, dimanche, on m'a amené ça, là, il y a quelques semaines. J'étais comme... sous un orage électronique, là. C'est pas électronique, c'est électrique. Ben oui, mais hey, en 2011, c'est plus électrique du tout, là. C'est rendu électronique, digital, Dolby Surround, HD. Hey, voyons, est-ce que ça frappe fort? Ça frappe très fort. Tellement fort, là, qu'on s'est pointé devant un être humain, même si c'est un minable, même si c'est un moins que rien, même si c'est le pire des derniers gangsters des temps modernes. Hey, on y est arrivé. Puis là, Obama n'a rien dit. Ben, il a dit, Roger. Ouais, c'est Cap Canaveral, ça va pas très bien, là. On n'entend plus rien. La NASA, Washington. Hey, on n'est pas en Chine, c'est pour ça qu'il est arrivé. Non, c'est pas la Chine, c'est Washington. Messieurs, oui, mais moi, je suis en langue multiple. Ben oui, mais est-ce que tu peux avoir tout simplement la langue universelle? Oh! Je fais et je viens. Non. Ben, c'est vrai que c'est une langue universelle, celle-là, là. Pas besoin. Hey, même les Allemands, puis les Suédoises, les Allemands, c'est le droit, peuvent comprendre ce langage-là, hein. Pas besoin de pas besoin de juste un pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Ça, c'est le langage. Non, pas des signes, mais de l'amour universel. Mais bref, on n'a pas montré d'amour, là, hein. Mais ça, c'est dans l'adage et dans la façon de faire des États-Unis. Hey, pour elle, yeah. Dentier pour dentier. Non, c'est dent pour dent. Ouais, mais moi, j'en avais, là, avant que je donne mon point de vue électoral, parce que certaines personnes ont été votées il y a quelques semaines, hein, pour le Canada. Puis là, on me dit, comment ça, mon Johnny, t'as pas été voté, toi? Parce que moi, je suis pas un Canadien, moi, je suis un Québécois. Fais-moi voter dans mon pays, dans ma langue, et j'irai pas un Canada qui bientôt s'en ira comme un peu le navigateur, là, Noé. Oh, il s'échouera. Oh, mon doux chou, oui, mais... ça, c'est échoué pas à peu près. Non, ça, c'est, oui, au passé simple du subjonctif. Il s'échouera. Eh, monsieur. Hey, ma belle coiffeuse adorée. Oui. Est-ce que tu me prêterais ton séchoir histoire de me voir m'échouer? M'échouer? Non, c'est du m'échouer. Ah, m'échouer. M'échouer trompé, pardonnez-moi, madame. Ça m'arrive souvent, moi. Parce que j'ai le don du néant cérébral. Aujourd'hui, pourquoi tu dis ça? Ben, ça me fait du mal et j'aime ça souffrir. Comme tous les judéo-chrétiens. Ben oui, quel chrétien veut pas souffrir, là? Plus tu souffres, plus tu t'en vas en haut. En haut, vers le ciel. Puis plus tu fais le mal, plus tu t'en vas en haut, mais vers le rouge, là, vers la flamme, vers les flammes, vers la... T'es plus judéo-chrétien, c'est vrai. Moi, je me suis anti-judéo-christianisé il y a de ça presque 8 ans. J'ai signé les papiers. Là, on m'a dit « signer en bas ». J'ai signé en bas, signé en bas. Je suis devenu raélien là-dessus. Je pensais pas que c'était ça, là. Ils m'ont fait signer des papiers, là, le mouvement raélien. Méditation sensuelle. Méditation sensuelle. Hein? On enchaîne. C'est 2 fois par année, méditation sensuelle. Hein? On est tout le monde ensemble. Hein? Là, c'est pas parti. OK, on l'arrête. Aujourd'hui, pardonnez-moi. Non, c'est pas ça que... Oui. Georgette? J'ai dit méditation transsensuelle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On transcense. Oh mon doux, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens parce que ça vient de la transe vers le sens et non pas du sens vers la transe. Oh, c'est du haut vers le bas. Ben voyons donc, c'est comme toute religion, tout vient vers le haut, vers le bas. T'as-tu déjà vu vers le bas, vers le haut, toi? Ben, oui, lorsqu'on l'évite, ben, il faut l'éviter, cette religion. Aujourd'hui, le vendredi 20 mai 2011, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée comme... Garde Rita qui rit depuis 2h15. L'émission a commencé à peine depuis 25 minutes. Pourquoi tu riais? Ah! Pas conscience, c'est comme la majorité. Ah, rendors-toi, ma belle. Laissons sur... Ah, s'en souviendra plus. Oh, mon Dieu. Hey, je vais vous expliquer quelque chose avant d'enchaîner. Là. J'ai appelé la semaine dernière dans un studio quelconque, je ne dirais pas lequel, et on me répond « Ah, salut Renan! » Puis là, j'ai dit « Il me semble que c'est pas ce que j'ai fait, là. C'est quel studio quelconque? Ah, je vais pas le dire, OK? » Fait que, parce que la personne va se sentir touchée, puis là, il va m'actionner, puis s'il m'actionne, moi, j'ai trop d'argent à lui donner, puis je veux pas, j'ai plein d'argent, mais pas à lui donner. Et puis, donc, il fait chaud. On peut-tu arrêter? J'ai la marmotte qui me rallonge, moi, là. Arrête donc, vas-y! OK. Alors, il me dit, comment ça, tu te souviens plus de ton émission, toi? Non. Le but, là, d'errance rénaldienne, là, c'est très, très simple. Pour que ce soit réussi, moi, là, Rénal Gagné, Rénal Québec, c'est de rentrer en transe. En transe. Oh! Pas en France! Non, je rentre plus en France, moi, là. Mon passeport n'est plus valide. Je ne peux que pénétrer par la Belgique pour m'enfoncer dans la France. Oh, y'a donc! J'aime bien m'enfoncer dans la France. La France qui? La France. Toutes les Frances. Oh, toutes les Frances! Toutes les franges dans la France. Oh, toutes les franges dans la France. Arrête de répéter. Je ne répète pas, je ne suis qu'un colporteur. Arrête de colporter. D'accord, monsieur. Alors donc, c'est ça, il me dit. Alors donc, tu te souviens plus de... Mais normalement, là, mon émission, c'est ça. C'est d'aller plus loin, c'est de m'abandonner. Et lorsque tu t'abandonnes, là, tu sais, quand tu fais une bonne soirée avec une... puis que tu dis, hey, j'aimais ça, qu'est-ce que t'as aimé, là? Parce que je me rappelle plus, j'étais parti, j'étais en transe. Une émission réussie d'errance rénaldienne, c'est lorsqu'on rentre là-dedans. Et quand on rentre là-dedans, tant pis pour les prudents, bing bang bimisé, c'est le temps de s'amuser. Puis quand c'est pas réussi, je me souviens de tout. Là, c'est pas parce que il y a des trucs qui me font oublier ou non, c'est les mots qui amènent les idées. Et lorsqu'il y a un amoncellement d'idées, ben là, ça se bouscule, ça rentre. Tu sais, c'est comme dans les hôpitaux, là. On fait attendre tous les mots, puis on les fait passer un par un, puis il y en a qu'on oublie, puis c'est pas important, c'est pas grave. Et c'est pour ça mon débit aussi rapide. Et là, plein de personnes me disent souvent dans mes courriels, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit rien, c'est pas important, là. C'est le sens, c'est aussi l'énergie que l'émission amène à cette heure-ci, là. Aïe, minuit 28, là. Minuit 29, minuit 30, arrête de dire minuit, minuit, minuit, là. Dépassé minuit, puis on a du plaisir. Okay. Et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous, hein, j'ai dit allemand de fin. Unissons-nous pendant le reste de la saison, pas du tout, pas, c'est pas estival du tout, mais entourons-nous de Jean-Claude Dreyfus. Maintenant, je me suis trompé de feuille. Laissons la place aux chansons et surtout la place à cette zizik, toutes ces blocs de tout cet amoncellement musical, oui, c'est un amoncellement, toute cette structure de musicalité, ben, c'est pour Bachung, c'est des gens qui l'interprètent. Alors, bonne émission et surtout, bonne errance. Oh. Ou presque, là, parce qu'il va peut-être avoir quelques apartés, mais normalement, là, ben, la majorité de l'émission, c'est des interprétations de Bachung. Que vous avez jamais entendu, bien sûr. Sauf à l'errance rénadienne. Volute pâte en fumée, volute fond dénuée. Dénué de scrupules, volute pâte en fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances, me lance tes dagues et des lances en toute innocence. Volute bâton fumé sous les yeux embués d'étranges libellules. Pour une grimace et un rictus de plus, je fais des heures sup, je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Du garage, je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Et mon corps de se vouer à des lignes sous-douées, aux coupes souveraines pleines. Volute bâton fumé sous des soleils qui s'ignorent. Pardon, mes réponses allongées. Mais que dire, mais que faire? Mais comment ça tient en l'air? Ces deux hémisphères, pas quel mystère. Sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Si vous étiez un mot. Un mot? Oui. Oh, bah, bêtement, simplement. Il y en a plusieurs. Ça peut être vulgaire, hein, peu importe. Ah non, c'est pas vulgaire. Ok, d'accord. Non, c'est. C'est diversité, c'est dilettantisme, c'est bien sûr l'amour et l'humour. C'est des mots comme ça, quoi. Comment tu trouvais un seul mot ouais, pour un mec qui vit avec les mots, en principe, un seul mot est trop juste. Ok, alors c'est l'ouverture vers. C'est vraiment l'épanouissement et l'ouverture vers les choses. Going to be, and you'll never see the losing side of me. before. 'Cause I know that you've been seen running round, but I'm crying like the birds up in the trees, and you never see the rose inside of me. On his knees, and you never see the losing side of me, and the losing side of me just won't be found, 'cause I know that you've been seen running round, but I'm crying like the birds up in the trees, and you never see the losing side of me. Texas Rodeo à CKRL de 89.1 à Québec. Groupe québécois. Là, ici, Québec, québécois. Oh, Québec, je suis un Québec, québécois. Québec, je suis un Québec, québécois. Québec, je suis un Québec, québécois. Québec, je te donne un beau bec, Québec. Toi qui es dans mon cœur de Québécois. Hey, ça sent la le rassemblement du 24 juin. Oh, Québec. Hey, voyons donc, le 24. Ben oui, c'est la fête des Québécois, le 24 juin. Québec, c'est le Québec québécois. Québec, Québec. Mais c'est ça, on sent pas le succès, là. Ça sent rien. J'ai du succès dans mes affaires. C'est pas vrai. J'ai du succès dans mes amours. Il va la faire. J'ai vous. Secondaire. Secondaire, oui. Là, ici, maintenant, secondaire. Primaire. Primaire. Tertiaire. Oh! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Je tourne. Non, je secoue. Arrête de secouer, ma belle Rita, ça va venir! Non, c'est... J'espère que le mot va venir. C'est pas un mot, c'est une phrase. Oh, la phrase, il faut secouer encore plus fort. Plus fort encore. Dis-moi, dis-moi pourquoi je dois vibrer plus fort. Oh mon trésor, je t'aime depuis le temps des morts, des morts. Oui. On aimerait en savoir plus, hein? Oui, mais les morts se cueillent à la pelle, tu vois. Je les ai oubliés. C'est pour ça qu'ils sont morts, tu les as oubliés, ben oui. Hey, oh, j'ai pris... Non, ça, c'était la semaine dernière. Alors, on va secouer davantage. Je l'avais brisé. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais coupé la chose? Mais non, les gens n'ont pas pu entendre la première partie. Oh, c'est vrai. Alors, j'en choisis une autre que j'ai choisi. Je prends au hasard une autre. Le titre, non. Mais la première phrase, elle est très longue, très, très longue. Louis était au Red Peak. Pork, peak, pork, peak, pork. C'est en anglais, le peak, pork. P-E-A-C-O-K, pauk. Louis était au Red Peak et il avait la gueule de bois. Puis là, là, sa gueule de bois, là, il l'avait polie avec une plus que polisseuse. Plus elle était polie, plus elle disait « Excusez-moi, pardonnez-moi. Oups, excusez-moi, pardonnez-moi. » Ouais, mais c'est bien beau être poli, là, mais veux-tu me raboter? Je te raboterai. Oh, mon amour, je suis avec toi dans la douleur. Je te raboterai. Là, à force de raboter, il radotait. Ah, mon, des heures de plaisir. Surtout qu'il n'avait que 120 minutes là, à lui consacrer, puisqu'il n'avait pas assez d'argent. C'est 160, c'est 320 pour 2 heures. Oh, mon doux. Alors, se faire raboter pendant 2 heures, laissez-moi vous dire que... Il n'avait pas juste la gueule de bois. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait le corps en quoi? En bandoulière. Non, pas en bandoulière. Il avait le corps bien près de la scierie. Oh, il veut... Ah, mon doux, pas se couper. Ben oui, il voulait se faire couper en deux. Parce qu'il avait vu le film de Claude Chabrol. Personne ne va reconnaître ça. Les gens, non. Ben non, non, non, non, non. Attends un petit peu. Prends ton temps, relaxe, respire par la bouche. Ils disent par le nez, mais moi, c'est par la bouche. Et j'expire dans un mouvement machinal. Donnez-moi de l'oxygène. Non, c'est pas de l'oxygène. Hey, tu l'as bien, l'oxygène de Diane Dufresne? Oui? L'oxygène, oui. Parce que c'est à moitié nez, à moitié bouche. Hey, ça, tu donnes des trucs. Ah, moi, je donne mes trucs, là. Je les vends, hein. 25$ le truc. Premier truc. Deuxième doigt. Le premier truc, c'est, pour faire Diane Dufresne, il faut se pencher vers le bas. C'est un pléonasme. Comment ça? C'est un pléonasme. Pourquoi tu dis ça? Pencher vers le bas. T'as-tu déjà vu quelqu'un pencher vers le haut? Oui, Madame Tremblay. Oh mon Dieu! Ah oui, pour sa sauce à spaghetti, elle penche vers le haut. Puis elle se prend également pour Gilles Daigneau. Gilles Robidoux. Vigneault! Oh mon Dieu! Ah oui, puis là, elle chante ma sauce à spaghetti. Ce n'est pas ma sauce à spaghetti. C'est la sienne! La sienne, ce n'est pas la sienne, c'est la mienne. Puis la mienne, oh, ça s'en va en cours, tout ça. Puis là, à un moment donné, le juge arrive, puis il dit... Nous sommes devant le cas de la sauce à spaghetti de Madame Chose et de la chanson qu'elle émane de sa bouche de Gilles Vigneault. Gilles Vigneault est ici, donc il plaide contre Madame parce que, selon lui, hein, les droits d'auteur lui reviennent. Eh bien là, je ne suis pas à la hauteur de ses droits d'auteur, effectivement, même de son talent. Non, même de son talent, M. Vigneault, je peux vous donner en récompense, non pas de l'argent parce que je n'ai pas une maudite scène, mais j'ai beaucoup de sauce à spaghetti en boîte. Hein? Alors, si je vous dis... 15 boîtes de spaghettis. Et je vais vous expliquer, M. Vigneault, ne commencez pas à vous élancer là, avec Jump Bololoï et puis Jean Dupays, puis mon ami Silivert, là, mais dans une boîte, là, il y a 16 pots à spaghettis. Si vous allez en manger, spaghettis, laissez-moi vous dire, puis je pense que votre existence, là, bien sûr que vous êtes très jeune, là, mais... Hey, autant de choses à spécie, là, ça veut dire que pendant toute la fin de votre vie, vous allez manger que du spécie. Puis même en dehors, moi je vous conseille, il y a plein de choses à faire avec ma sauce à siffler ici. Exemple. Excusez-moi, vous êtes Gilles Vigneault, donc je ne dirais pas la version anglaise. Exemple, si vous préparez un steak avec des frites, je vous conseille de mettre ma sauce à siffler. C'est très bon. Et si vous voulez boire quelque chose de consistant, ma sauce à spécie. Ah, c'est bon, ça. Un bon verre, un 6 onces de sauce à spécie. Ça vous enlève la faim pour 2 semaines. Ah, c'est viande par-dessus viande, hein. C'est petite viande française, petite viande anglaise, petite viande italienne, petite viande chinoise. Puis là, si vous prenez le bas de la sauce à spécie, c'est la viande chinoise qui se termine, hein. Puis là, ça risque de faire une version chinoise de Jean du Pays. Je vous conseille de boire un bon verre d'eau pour faire diluer tout ça. Plus, vous risquez de faire une chanson québéco-chinoiso-francophone. Je sais pas comment ça peut faire, là, mais c'est comme ça. Puis là, au pire, là, si vous en avez trop, puis que vous nous quittez, parce que ça se peut, tout peut arriver, hein. Je vous le souhaite pas, je ne nous le souhaite pas, parce que vous êtes la figure emblématique du Québec, et ça, ce n'est pas une blague, vous êtes la figure emblématique du Québec actuellement. Donc, en haut, je vous conseille fortement d'en remettre à mon ami Félix, parce que ça fait longtemps que sa sauce à spaghetti est périmée et que la sienne à Madame Chose est encore très très bonne, parce que je parle en son nom. Elle a disparu sous autant d'émotions parce qu'elle n'est pas capable. Elle est incapable de gérer l'émotion. Mais vous savez que c'est un oisillon tombé de son nez. À l'âge de 53 ans, est tombé dans sa sauce à spaghetti il y a bientôt 15 ans. Et depuis ce temps-là, elle l'abrasse. Elle abrasse qui? Elle abrasse. Elle embrasse sa sauce et elle embrasse un coup. Alors donc, le titre, c'est « Je t'aime, Albert ». Et maintenant... En passant, avez-vous senti le « et maintenant » de... Hein? On va essayer, s'il vous plaît. Et maintenant! Non, c'est parce que vous commencez trop vite, Calzi. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Elle m'a laissé la terre entière. Mais la terre pour elle, c'est trop petit. Mais dis-moi pourquoi? Pourquoi pour qui? Je devrais la refaire au petit matin. Mais je vais laisser les lancer à ce grand monsieur qui n'est plus ici, mais au ciel, mais les cieux. Les cieux, c'est aussi des bonsoirs et merci. Et avec Pachoun, on en veut, on en redemande. Oh non, on en veut, on en redemande. Pachoun. Nous y allons-y. Un aliment. Du chocolat. Ah oui. Un morceau de chocolat. Ok. Qui fondrait dans une belle bouche. 70% de cacao, ça. C'est le meilleur chocolat. Ouais. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. Ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi des scélérats. À qui sourit la vie? Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire rainir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine, osez, osez, Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Yeah. durent les moments doux. Dur, dur, dur les moments doux. Et que mes doux. Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Osez, Joséphine. Osez, Joséphine. Osez. Osez. Plus rien ne ressemble à la nuit. Plus rien ne ressemble à la nuit. Osez, osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Le rien ne s'oppose à la nuit. J'ai trouvé ton revolver et j'ai enlevé les balles. J'ai trouvé ton revolver et j'ai enlevé les balles. Chuit, chuit, chuit. Un coq cobra, un Derringer. Une belle bistrie pour Stroboscope. Un coq cobra, un Derringer. En gel, de la poudre, une piscine. Un coq cobra, un Derringer. Un piercing, des tatouages sur les seins. Un coq cobra, un Derringer. Cervelle. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un code cobra. En overdose, de jour en jour. Un des rigueurs. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un code cobra. Ah oui, je t'aimais. Un code cobra. Un Derringer. Quand on est rare, je suis la plus intrinsèque. Je suis une danse passive. Je suis en lueur d'écran. Je suis quand on est rare. Un coq cobra, un Derringer. Patron, triangle de soie. Un coq cobra, un Derringer. Pigalle, nightclub, talon aiguille. Un coq cobra, un Derringer. Cuisse écartée, son hypnotique. Un coq cobra, un Derringer. Tu baignes au fond de la piscine. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un coq cobra. En overdose de changement. Un des rigueurs. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un coq cobra. Ah oui. Col cobra, un Derringer. Je suis la plus intrinsèque. Je suis une danse passive. Je suis en humeur d'écrase. Je suis comme on est là. Je suis la plus intrinsèque. Je suis une danse passive. Je suis en humeur d'écrase. Et oui, les Les références, la référence de cette chanson de Sandy Trash, elle me l'a pas encore dit, car je la recevrai à Errance Rénaldienne en 2011-2012 et je la rencontre en juillet. Ça a été confirmé au début de juillet. Donc, si vous avez des connaissances gainsbourgeoises, ben strip, c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Ben là, vous nous creusez l'appétit, intellectuel, j'espère, parce que c'est un lien très, très direct avec la chanson « Sorry Angel ». Oh, ben voyons donc, toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben « Sorry Angel ».« Sorry Angel, sorry so, sorry Angel, sorry so. » C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour, c'est moi qui t'ai ouvert les veines, qui sait? Enfin, je la chanterai pas parce que c'est pas moi l'artiste, là. Puis j'aurais jamais voulu être un artiste pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir faire ce numéro sur un grand écran en couleur et surtout pour pouvoir me trouver beau. Eh, c'est vrai, il faut que je vous raconte une chose. Je travaille dans un autre milieu que la radio aussi. La radio, c'est ça me rapporte pas beaucoup d'argent. C'est du bénévole, je suis très bénévole. Ah, moi, je suis béni, très béni. Ah, béni, toi béni, oui, béni, oui, toi béni, oui, toi béni. Mais en dehors de ça, je travaille avec des gens. Il y a des gens qui passent et qui repassent dans un monde d'extase. Ça, j'ai déjà écrit ça il y a quelques années. Mais hier, c'est-à-dire il y a une semaine... Pourquoi? Ben parce que hier, ça fait une semaine, ça passe vite. Oh, une journée, une semaine. Oui. Deux journées, deux semaines. Trois journées, trois semaines. Quatre journées, quatre semaines. Cinq semaines, des années, des mois. Mais là, ça fait une semaine. J'étais quelqu'un, il y avait quelqu'un devant moi qui avait jamais entendu mon émission. Puis il s'est mis, elle s'est mis. Elle s'est mis. Elle s'est mis comment? Elle s'est mis à dire, oh, j'ai eu peur. Je pensais qu'elle s'était mise à... Non. Elle s'est... Il n'est pas assez tard, on peut pas dire ça. OK. Elle avait commencé à me dire « J'aurais voulu être un artiste. » Et puis, bon, moi, dans mon émission, très souvent, je la chante. Je la ferai pas aujourd'hui, là, quoique j'avais entamé. Ah ouais, donc, vas-y donc. Je peux pas la faire. Hein. Là, les gens vont dire « Tu fais du redondage et plus tu fais du redondage, tu fais du recyclage. » Oui. J'aurais voulu être... un artiste pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau dans un grand écran en couleur. Et là, la personne commençait à lancer des répliques et moi, je poursuivais en montant la note. Et là, il y avait d'autres clients en arrière qui se disaient, oui, qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas normal, là. Moi, je veux acheter mon item. Puis là, l'autre est en train de chanter sur un grand écran en couleur. Puis là, il était parti. C'était assez spécial comme atmosphère, mais moi, je voyais, les gens vont dire, « C'est Arletty, atmosphère, est-ce que j'ai l'air d'avoir une gueule d'atmosphère? » Les gens ont pas de... Non, ils savent pas ce que tu veux dire par là, là. Faut avoir des connaissances, et puis plus qu'on a des connaissances, plus on est inconscient de la réalité. Comment ça? Ben oui, on est pris dans toute notre conscience. On dit, oh, je sais. Puis là, il dit, ça va bien? Ah oh, oui, je sais. Puis là, oh, mais tu sais pas, je t'ai pas dit. Ben oui, mais je sais. Non, tu sais pas, je sais. Arrête de dire ça, je sais. Non, tu sais pas. On aimerait en savoir plus, hein? Ouais, mais là, je sais pas, moi, là, comment ça va? davantage quoi? Mais là, on va faire un numéro assez exceptionnel. Oh, est-ce le temps? Oui. J'appelle le téléphone. Pour ce numéro d'improvisation, utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose. Oh, ça peut être une chose! Une chose ou un humain qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Là, à cet instant, nous rejoignons... Oh, là, c'est gênant un peu, là. Nous rejoignons le mot « dévoiler ». Oh, alors il faut appeler à « dévoiler ». Oui. Connaissons-nous le numéro de téléphone? Oui, il nous l'a dévoilé. c'est bon. Il nous l'a dévoilé, dévoilé. Dévoilé. Il nous l'a pas volé, non, dévoilé. Oh! Oh, c'est que ça va, c'est il nous l'a dévoilé, mais c'est pas de bon sens. Bon, oui, mais ça a un bon sens, là, puisqu'il nous l'a dévoilé. Oh, OK. Ah, dévoilé, il nous l'a dévoilé. Oui, dévoilé, là, chez là. Dévoilé, oui, il nous le dévoile, ben oui. Oui, il nous le dévoile, là, maintenant, là. Alors, on peut le composer, oui. On dirait que tu fais ça avec ta bouche, mais non, c'est le téléphone bizarre ici, là. C'est un téléphone rénaldien. Puis ça fait tout, tout, tout, tout, ben oui, ça fait tout, tout, tout, tout. C'est pas de ma faute, moi, là, là. Les gens nous envoient pas d'argent, on n'a pas de budget, fait qu'on fait tout, tout, tout, tout, tout, tout. On aimerait en savoir plus, hein? Ben c'est ça, on en sait plus, là, fait que ça fait tout, tout, tout, tout, tout, OK? Alors, on va appeler le mot dévoilé. Il va-tu appeler? Il va-tu répondre? On l'a appelé? On l'a-tu appelé? Il va répondre? On l'a appelé, il va répondre. Oh, c'est... Oh! Allô? Oui, hey, nous sommes en ligne avec le mot dévoilé. Malheureusement, comme toutes les autres rencontres que j'ai faites avec le téléphone, on peut pas t'entendre dévoiler. Non. OK, mais on peut baisser le... On peut voiler le message. Préfères-tu comme ça? Oui, hein, c'est moins redondant. Ça fait moins mal au... Oui. OK, je... Oui. Hey, dévoilé, premièrement, là, les gens veulent savoir comment de voler on peut avoir pour être dévoilé. Dévoilé. Les gens nous s'attendent ce soir à en connaître plus sur ton passage de vie, surtout sur ta naissance. Pourquoi on t'a amené ce terme, ce mot dévoilé? Mais. Mais. Ouais. OK. Oui. Alors, je tiens à dire aux auditeurs que dévoilé, hein, est arrivé au monde avec une carpe. Pas le poisson, mais une carpe, un morceau de tissu. Là, ben, la mère avait très hâte de voir ce qui lui arrivait devant elle. Donc, elle s'est empressée de... C'est ça! Dévoiler! Hey, dévoiler... Durant toute l'existence de ton mot, là, on t'a pris à tort et à travers. Hein? On dit, ah, tu t'es dévoilé. C'est négatif. Ah hein? Oh, oui, ah oui, oui, oui, ah, oui. Oh, qu'elle était belle. Je l'ai embrassée, mais avant, je l'ai dévoilée. Oh! C'est beau, hein? C'est très beau, moi. Là, j'ai la larme à l'œil. Oh oui, oui, oui, oui. Mais arrête de le dire, parce que plus tu le dis, plus tu le dévoiles. Donc, tu l'as dévoilé. Oh, c'est... Alors, dévoilé. Tu es un... Premièrement, est-ce que tu t'acceptes... Non, on va redire... Est-ce que tu t'acceptes comme mot? Ouais. Ouais, OK. Ben... OK. Ben oui, je comprends très bien que c'est pas si... Ouais. Oui. Mais c'est ça l'ambivalence, hein? Quand tu es dévoilé, tu es autant pile que face. Alors, ça peut être autant positif que négatif. Mais toi, tu es toujours dans la lumière, donc dans une certaine recherche de la vérité. Alors, merci de t'être ici à Errance Rénaldienne, devant nous ce soir, devant autant de public attentif à ta naissance et surtout à ta présence ici ce soir, parce que c'est très peu de gens et d'animateurs qui ont pu parler à ce mot. Mais ici, on s'en offre des belles. Puis toi, je te remercie infiniment de t'être ce soir. Hey, ça, il va faire la chute, on sait ce qu'il va dire, là. Non, je le dirai pas. Ben, voyons donc. C'est beau, là, tu dis. Amen. Non, c'est pas amen. C'est merci de t'avoir mis à nu. Oh! De t'avoir présenté sur ton vrai jour. Oh! Et surtout, oh, il va le dire, d'avoir retiré cette petite facette de notre imaginaire qui, un jour, s'inquiétait de ce que tu étais. Mais là, grâce à Errance Rénaldienne, tu t'es dévoilé. Confetti. Saison, ah, j'aime les quatre. C'est compliqué. Alors, vous aimez Vivaldi, l'œuvre de Vivaldi. Oui, oui, voilà. Non, j'aime les quatre. Je suis dans un pays où on a droit aux quatre saisons. Plus ou moins, hein. Oui, mais quand même. Même, c'est-à-dire aujourd'hui, elle se mélange un peu. Il fait des fois beau en janvier. La grêle, il y a deux semaines. Oui, oui, oui, non, il y a oui. deux jours. Mais j'aime bien, encore une fois, j'aime bien la diversité. Donc, je n'aime pas uniquement l'hiver, l'automne, le printemps. Disons que mes deux saisons préférées seraient le printemps et l'automne. Okay. Mais pour la fin et le renouveau. Ben, moi, j'aime pas quand il fait trop chaud, j'aime pas okay. non plus quand il fait trop froid. Et puis j'aime pas quand les choses meurent, et puis, mais en même temps elles vont pour renaître. Oui. Et j'aime pas quand les choses sont naissantes, parce qu'elles risquent de crever vite aussi. Oui. Donc je préfère les saisons médium, qui sont l'automne, où là c'est encore vivant et les couleurs changent. Et puis le printemps aussi. Mais... Bref, vous êtes l'harmonie, vous cherchez l'harmonie. J'essaye. Je peux avoir un petit café, jeune homme? Vous m'avez entendu? Oui, vous m'avez entendu? Ah bon, voilà, j'étais pas sûr. Je veux un café, s'il vous plaît. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si au perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai allongé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté. Par-delà les abysses, par-dessus le verger, et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun walala ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va, sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, et les laissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté.

cette semaine. Oui, monsieur, cette semaine. Je veux d'abord en tant que cible. Hein? Allô? Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Je veux d'abord en tant que cible. Oui, monsieur. On s'excuse infiniment. Cette semaine, oui, il disait quoi, lui? Je veux d'abord en tant que cible. OK, je veux d'abord en tant que cible. Oui. Cette semaine, je le sais presque. Je veux te demander, moi, belle enfant écartelée, là, je trouve le point sensible. Attends, je vais m'y attarder. Attends un peu. Donc, ça, c'est ma prière, ça. Je vais m'attarder. Miaou miaou doux précieux. Cette semaine, ça semble absolument rien. Mais oui, mais hey, lorsque tu vas là dans les églises là, t'attends. Ben c'est la même affaire pour moi là. C'est, je veux en tant que cible écartelée là, ça cible. Je te vois en tant que mais attendez. Eh, monsieur, ça fait attardé, ça fait très attardé, là. Oui, mais on s'attarde pas trop. C'est toi qui le dis. Excusez-moi, en tant que public, je m'entends moi-même et je m'en excuse de m'entendre. Oh. Plus je m'entends, plus je ne me vois pas et plus je ne m'aime plus. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe étection. Étection? Étection? Le mot étection? Hey, on m'a fait un canular ici, là. On m'a dit étection, étection. Qu'est-ce que ça veut dire, étection? Étection. Oui. Alors, on va passer une pause publicitaire avec M. Jean-Claude Marius. Et moi, dans l'étection, je m'envoie un peu de saupoudration. Et puis, lorsque je me saupoudre, je me sens comme dans l'action de vouloir en avoir davantage. Alors, étection, saupoudration, élection, sans dire que nous sommes tous en juxtaposition avec ma formule. Ouais. Et ensuite, avons-nous autre chose? Oui. Étection. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, lui? Il veut me m'amener dans l'embrouille, lui, là. Ça, c'est quelque chose là pour me faire franchir d'autres émanatopées. Émana. Ouais, on va dire à Émana que... Émana, tout mana, soupa dans nos mains. Émana, soubana, tout mana, nona. Simana, tout mana, soumina, nona. Tamana, sinana, tout mana, nona. On a topé. Toche, toche, tope, toche, toke, toke, oke, oke, oke, oke, hey, oke. Ok. Étection. Moi, pendant les élections, je m'amène vers d'autres étections. C'est-à-dire que je regarde les gens qui se présentent. À qui? À moi, oui. Et ensuite, Et puis là, ben, à un moment donné, ben, je fais mon choix. Et je me dis souvent que à toute étection, il y a une réflexion là-dessous. C'est-à-dire que lorsque j'ai réfléchi, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des interrelations cervicales qui m'amènent à une décision du pour et du mal, du contre et du pour et du mal et du pour, du pour et du mal et du pour et du mal et du pour. Alors pour le moment, le mot étection n'existe pas. Il n'a jamais existé et c'est la première fois dans le grand château de la francophonie qu'on peut pas choisir là-dedans. On a improvisé parce que nous sommes des grands maîtres, là. Il y a Adela Labocher, il y a Yiminamon, il y a. Touloulinong, il y a. Ting, ting, tong, tong. OK, alors merci à Ting, ting, tong, tong, surtout parce que c'est elle qui amenait le ting, ting, tong, tong à toutes les solutions. C'est dans le cerveau que ça se passe. En dehors, là, les gens se sont dit, j'ai pas entendu ça, moi, là. Il n'y a pas d'autre mère. Il n'y a pas de poté. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de ricanement. Ben non, il n'y a jamais eu de ricanement, mais c'est tout à l'intérieur de l'érant rénaldien. Et lorsqu'il s'exploite en dehors de tout, il arrive ce qu'il arrive comme... Vous avez entendu? On n'a rien entendu, nous autres. On se demande ce qui se passe, là. On est-tu réveillé? On dort? Oh, hors de ce pas, je me défranchis de ce mouvement. L'apiculteur se meurt. Il a eu son heure. Il a fait son beurre. Happy, apiculteur. D'heure en heure, l'apiculteur affleure la fin du labeur. Happy apiculteur. Dans une autre vie, les marguerites s'effeuillent au ralenti. Personne n'est vainqueur. Les proies, les prédateurs savourent le nectar d'une pomme d'api. Happy, happy culteur. L'heure, c'est l'heure, on n'est pas d'humeur à verser des pleurs. Fières sont les ouvrières, le jour en tailleur, le soir en guépière. Quand la mort vous susurre des serments veloutés, que rien n'est moins sûr, n'aura plus d'importance, ni la chaleur, et ni les piqûres. Happy apiculteur, apiculteur, happy apiculteur. D'heure en heure, l'apiculteur se meurt. Trouve l'interrupteur, une oasis aux allées bordées d'épagneuls, que la splendeur n'effraie plus. Happy apiculteur, happy apiculteur, happy apiculteur. Happy apiculteur, happy apiculteur. Ça, c'est vicieux comme question. C'est voulu. Il faut errer. Le but de l'émission, c'est errance. Mais je crois qu'il y a plein de membres qu'on aime qui

et charmant, et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements. Et en amour, on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafio, la société c'est pas de la tarte. Et en amour, peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption est tout paquet et viendra gueuler dans nos ruines. Et en amour, merci beaucoup. Merci. Madame Tremblay, merci. Monsieur Juste, merci. Merci. Ben, merci. Là. Oh, merci. Hein? Comment? Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe là? Merci. Hein? Pardon? Jean. Non, mais ils applaudent. C'est... Merci. Comment ça? C'est pas pour moi. C'est... Oh... C'est... Oh, d'accord. C'est... Léo fait... Il y en a... OK. L'heure a maintenant sonné. Devenons pour l'instant d'un numéro d'improvisation un fil Ariane entre l'esprit d'un animal, un artiste ou tout autre spectre qui passa sur cette sphère, ce macrocosme que l'on nomme la Terre. Aujourd'hui, là, c'est assez corsé. C'est très corsé en ce 20 mai 2011. 20 mai. Mais moi, j'ai donné mon 20 mai. T'as donné ton 20 mai. Quand, ça? Le 19. J'ai dit à mon 19 que le 20, là, je l'approprierai. Jamais je le prendrai pas. Je voudrais pas. Le 20, là, le 19, oui, le 21, mais pas le 20. Pas le 20, parce que le 20, c'est de la vigne. La vigne, c'est du raisin. Le raisin, c'est les citoyens. Ben oui, les citoyens, c'est des raisins. Tous les citoyens, c'est des raisins. Ben là, ça dépend, là, monsieur. Ben non, ça dépend pas, c'est tous des raisins. Des raisins juteux? Non, ben, ça dépend, là, de quel district, mais très souvent, c'est des raisins secs. Secs. Par section. OK. Alors donc, c'est des raisins juteux, moins juteux, plus goûteux, plus sucrés, plus sûrs, plus surettes, plus pompeux, plus pompettes. c'est plus étrange, là. C'est des raisins. Alors, on va demander à Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, il n'y a pas de Gérard Depardieu. Il n'y en a pas de Gérard Depardieu. Bon, mon Dieu. Il n'y en a pas de Gérard Depardieu. Pas de ce Dieu que l'on nomme Gérard. OK, mais là, le... Qui l'heure a maintenant sonné, là, le spectre là, de notre moment d'improvisation, c'est Charles de Gaulle. Et monsieur... On n'est pas prêt. On va passer une petite chanson, puis on reviendra après 20 minutes de musique. Mais non, c'est maintenant! Oh mon Dieu, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille. C'est un ch'ti. Mon Charles de Gaulle. Il est mort le 9 novembre 1970. OK? Je vous dirai pas où parce que c'est trop long à dire, puis j'ai pas assez de souffle. J'ai pas mon soufflet. Alors, où est ton soufflet? Il est dans mon... dans ma besace. Où est ta besace? Dans ma... Il est où? Après son départ pour Londres en juin 1940, il est le chef de la France libre qui résiste face au régime de Vichy. Un Vichy. C'est pas de l'eau d'eau pétillante, ça, du Vichy? Ben, Vichy, ouais, peut-être aussi. Alors donc, il s'est étouffé, puis il y a eu comme un remoncellement de Vichy. Il a, devant l'occupation allemande et l'italienne de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, le président de... Quand les gens ont rien compris, là. Vichy, t'as dit... Vichy, oui, Vichy! Vichy, où es-tu, Vichy? Il vit ici. Il vit ici. Oh, OK. Vichy, Vichy, oui. Il vit ici. Ici où? À Vichy. Charles de Gaulle vit ici. Oui, mais ben, on vous l'a dit depuis tout à l'heure, il vit ici, à Ichy. Ichy, il est le général de Gaulle. OK, général, ça va bien. Oh, il ne parle pas. Oh, non, jamais. Président du gouvernement de Vichy. À la Seconde Guerre mondiale, président du gouvernement, président de la République française, en 1959. Il est inspirant de la fondation de la 5e République, président de 1959 à 1969. Général de Gaulle, on doit s'en souvenir ici au Québec, parce qu'il nous a dit fièrement « Vive le Québec ! Vive le Québec libre !» Et à cette élancée exceptionnelle, on lui a coupé les vives, le micro au Québec et on l'a renvoyé là-bas. On a dit, ben c'est pas les Québécois qui l'ont renvoyé, c'est tous les anglophones, les Canadiens. On va-t'en, va-t'en, va-t'en, t'as dit des vérités. C'est vrai que vive le Québec libre, tu as entièrement raison. Mon Genève, t'as très raide. Et c'est ainsi que les hommes vivent. Et puis surtout, surtout, comme disait Jacques Bertin, qui nous fera entendre le chant des hommes, c'était Errance Rénaldienne, général de Gaulle, vive le Québec libre, vive CKRL, vive l'Errance Rénaldienne. Vivre les auditeurs, vivre, pas vivre, vivre, ils vivent les auditeurs, mais vive les auditeurs, vive les... Les chants des hommes sont plus beaux qu'eux-mêmes. Plus lourd d'espoir, plus triste, plus durable, plus que les hommes. J'ai aimé leur chant, j'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. Il m'est arrivé d'être infidèle à ma bien-aimée, jamais au chant que j'ai chanté pour elle, jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Quel que soit leur langage, j'ai toujours compris tous les chants. Rien en ce monde, de tout ce que j'ai pu boire et manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu voir et apprendre, de tout ce que j'ai pu chercher et comprendre, rien, rien ne m'a jamais rendu aussi heureux que les chants des hommes. Ok, j'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquette carmélite. La mère sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kit. Y'a dû avoir des fuites, y'a dû avoir des fuites. Mes circuits sont niqués, puis y'a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer, non mais t'as vu ce qui passe. J'veux le feuilleton à la place, j'veux le feuilleton à la place. À Saigon, je m'écris des cartes postales du front. Si ça compte. continue. Je vais me découper suivant les points, les pointillés. Désir fou quand rien ne chasse. Le cœur grandirait sourd au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Je veux le feuilleton à la place. Vertige de l'amour. Vertige de l'amour. Mon légionnaire attend quand le chante. Et la tranchée vient d'être peinte. Écoutez, si ça continue, je vais me découper suivant les points, les pointillés. Yeah. Ça me prend les jours fériés quand j'y zèle, clap dehors. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand j'y zèle, clap dehors. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ok. L'exemple, cette envie de vivre. Cette envie de vivre. Vertige de l'amour. Chauffe, chauffe. Vertige de l'amour. Un moment de la journée? Un moment de la journée, le matin. J'adore le matin. J'adore le matin. C'est le matin que je préfère. J'adore la nuit, bien évidemment. J'adore l'après-midi, mais pour y faire des siestes un peu crapuleuses. Et j'aime tous les moments de la journée, mais le matin est quand même est le démarrage de toute une journée. J'aime bien me mettre en route et travailler le matin, faire des choses le matin, de façon à ce que la journée aille jusqu'au bout avec bonne humeur. Quoi. Mais comment se mettre en route lorsqu'on finit une pièce de théâtre vers les 22h30? Oui, non, mais moi je me couche tard. Okay. Je me couche tard, moins tard que quand j'étais plus jeune. Hein, parce que quand je faisais du cabaret, je me couchais au petit matin. Et là, je ne dépasse jamais. Bon, ça m'arrive de me coucher à 4h du matin. Mais j'essaie de me coucher, si je dois me lever et je veux me lever. J'aime bien la nuit aussi et je me lève le matin. Vous savez, quand je me couchais à 6h du matin, je me levais à midi, ce qui revient au même. Alors, vous dormez très peu? Je dors très peu, mais je dors très bien. Ok, vous avez un sommeil principal. Profond, ce qui est très important. Et je dors partout. Ah oui? Et je dors partout. Je peux m'endormir si... Mais pas ici? Ça peut m'arriver. Des ronflements, ça serait bien. Non, mais je peux vous les faire. Ça m'est arrivé de m'endormir dans un dîner. Ok. Mais j'entends quand même. Et je peux me réveiller pour répondre, quand même. Est-ce que vous êtes déjà endormi derrière la scène quelques minutes avant? Je me suis endormi sur scène. Ben voyons. Je me suis endormi sur scène parce que dans l'hygiène de l'assassin, par exemple, j'étais mort à la fin. Et je... Merci beaucoup. Et c'est le café qui arrive. Et je m'endormais... un petit café serré, comme on fait à Paris, presque à l'italienne. Et je ne sais pas si au Québec, on en fait des aussi bien. Oui, oh oui. Oui, oui, quelques endroits. Ah, on n'est pas en Amérique. À Québec. Oui, on est en Amérique, au Québec. Bah oui, mais on fait en général, ils sont plus dilués quand même. Nous, on demande corser et non, c'est vraiment comme vous l'avez actuellement. Et je sais plus de quoi parler. Dormir, oui. Je tombais par terre et je m'arrangeais pour ne pas ronfler, mais je m'endormais, j'avais plus à bouger. Et je m'endormais comme un bébé, mais en l'espace de 40 secondes. Pendant toute la pièce de théâtre? Ah non, c'était la fin. Ok. Le rideau tombait et vous étiez encore... Mais par exemple, quand j'arrivais, j'étais dans un fauteuil roulant dans cette pièce. Hein. J'arrivais, il y a le garçon qui faisait la régie. Je m'endormais, je me maquillais. J'ai pour avoir l'air d'avoir 83 ans. J'ai un peu de boulot quand même. Oui, effectivement, beaucoup de travail. Et je m'endormais devant ma glace. Le garçon venait, me tapait sur l'épaule. Il me disait, Monsieur Tache, il était formidable parce qu'il jouait bien le jeu. Monsieur Tache, ça va être à vous dans 5 minutes. Alors, tu me fais chier. Tu m'emmerdes. Laisse tomber. Allez, casse-toi. Tu m'emmerdes. J'étais déjà dans le personnage. Et je me rendormais profond. Il revenait. Il me disait, monsieur Tache, il faut monter dans, il faut mettre dans le fauteuil. Et on allait de l'autre côté du plateau. Et il y avait encore, on devait commencer la pièce. Et il y a toujours 5 minutes, les gens en retard et tout. Et là, je me rendormais profond. J'étais sur une petite pente comme ça, avec une cale, avec mon fauteuil roulant. Okay. Et je me rendormais en l'espace de 40 secondes. Et lui, alors là, je lui avais dit, tu me tapes plus là comme ça. Tu enlèves la cale et tu me laisses glisser. Oh. Et j'arrivais à moitié endormi. Et vous disiez votre tête. J'enchaînais. Je suis en pleine forme. Je peux vous dire à vos auditeurs au Québec, si je viens au Québec, mesdames et messieurs, puisque je suis bimétallique, si je touche aux deux métaux, mesdames et messieurs, je suis merveilleux au réveil. Mais est-ce que votre pièce que vous reprenez, vous pourriez éventuellement venir la... nous la présenter? Alors, pas tout de suite, parce que là, je m'enchaîne avec une autre pièce. Mais il faudrait trouver les connexions pour que le spectacle aille là-bas. Oui, bien sûr. Et lieu, parce que nous avons le moment, des moments de, pendant le mois de juillet, une semaine uniquement consacrée au théâtre, beaucoup de Belges, Français. Alors, il faut l'organiser, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Oui, d'accord. Évidemment. Donc, vous avez ça entre les mains. Oui, mais voilà, je suis votre contact. Et ça ne sera pas tout de suite, mais non, c'est une chose qui peut... Voilà, incessamment. Parce qu'incessamment, ça laisse présager beaucoup de... On ne sait pas quand. À un moment donné, mes yeux sont dans le miroir où je les ai laissés. Je me reconnais même plus sur les photos. Je comprends pas vos questions, je comprends pas vos prisons. J'en fais propre cachet dans leur cachot. Sont sur un petit cul que j'ai pas touché. Je voulais ça comme ça, faut pas le prendre de haut. Chinerai où vous voulez, chinerai, mais faut m'expliquer. Pas bien lu scénario. Je me souviens d'une autoroute assez carrée, coupée en deux devant les rangs canadiens. J'ai pas vu le panneau. Je fermais les yeux toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Errance. Toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Toujours. Sont dans le miroir où je les ai laissés. Tu les as laissés. Je me reconnais même plus sur les journaux. Les journaux, les photos, tout est porno. Comment s'appelle cet endroit? On sait plus. Je me suis perdu, je reconnais pas. On les reconnaît. j'ai pas bien lu le scénario. Scénario. Je me souviens d'une odeur. C'est celle-là, tu tournes à droite. Coupé en deux. Oui, à droite, à droite. J'ai pas vu le panneau. C'est l'errance rénaldienne. Je fermais les yeux. Oui. Vas-y. Toujours sur la ligne blanche. C'est beau. C'est beau. Continue. Toujours sur la ligne blanche. Super, super, super, super, super, super. Toujours sur la ligne blanche. Super. Sur la ligne blanche. Wow, wow, wow. Wow. Chers amis, si si je vous ai bien compris. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.